Chapitre 4. On ferme. Il est horriblement difficile de savoir beaucoup de détails sur les faits. Il n'y a guère qu'une chose que l'on sache certainement, c'est qu'il y a des faits partout où il y a des enfants. Il y a longtemps, les jardins étaient interdits aux enfants, et à cette époque, il n'y avait pas de faits dans les jardins. Quand les enfants y furent admis, les fées arrivèrent en foule le soir même. Elles ne peuvent pas s'empêcher de suivre les enfants, mais il est rare que vous les aperceviez, d'abord parce que, le jour, elles vivent derrière les grilles et qu'il ne vous est pas permis d'y aller, ensuite parce qu'elles sont rusées au possible. Elles ne sont plus du tout rusées après la fermeture, mais jusqu'à la fermeture, grand Dieu! Quand vous étiez oiseau, vous connaissiez parfaitement bien les fées, et vous avez une foule de souvenirs à leur sujet au temps de votre enfance. C'est un grand malheur que vous n'ayez pas pu les noter alors, car vous les oubliez peu à peu, si bien que j'ai entendu des enfants déclarer qu'ils n'avaient jamais vu de fées. Et très probablement, s'ils faisaient cette déclaration dans les jardins de Kensington, ils se trouvaient au même moment en face d'une fée. Ce qui causait leur erreur, c'est que la fée prétendait être autre chose. C'est un de leurs meilleurs tours. Ordinairement, elles se font passer pour des fleurs, parce que la cour des fées se tient dans le bassin et qu'il s'y trouve beaucoup de fleurs ainsi que tout le long de l'allée des bébés, et qu'une fleur est, probablement, ce qui attire le moins l'attention. Elles s'habillent exactement comme les fleurs et changent avec les saisons, devenant blanches avec les lys, bleues avec les bleuets, et ainsi de suite. L'époque des crocus et des jacinthes est celle qu'elles aiment le mieux, car elles ont des préférences pour leurs couleurs, mais les tulipes, sauf les blanches, qui sont le berceau des fées, leur déplaisent, et parfois elles rejettent leur déguisement de tulipes pendant quelques jours, de sorte que le meilleur moment pour les surprendre est le début de la saison des tulipes. Quand elles croient que vous ne les regardez pas, elles s'écartent vivement d'un joli saut de côté. Mais si vous les regardez et qu'elles craignent de n'avoir pas le temps de se cacher, elles ne bougent plus et font comme si elles étaient des fleurs. Puis, après que vous avez passé sans vous apercevoir que c'était des fées, elles courent chez elles et racontent à leur mère qu'elles ont eu une aventure extraordinaire. Le bassin des fées, vous vous le rappelez, est tout couvert de lierre dont elles font leur huile de castor avec des fleurs qui ont poussé çà et là. La plupart de ces fleurs sont de vraies fleurs, mais beaucoup aussi sont des fées. On ne peut jamais les reconnaître. Cependant, un bon moyen, c'est de marcher en regardant de l'autre côté, puis de se retourner tout à coup. Un autre bon moyen, que nous essayons quelquefois, David et moi, c'est de les regarder fixement. Au bout d'un certain temps, elles ne peuvent pas s'empêcher de cligner des yeux, et alors on est sûr que ce sont des fées. Il y en a aussi beaucoup le long de l'allée des bébés, qui est un des célèbres endroits nobles, comme on appelle les lieux fréquentés par les fées. Une fois, 24 d'entre elles eurent une aventure extraordinaire. C'était une école de filles qui était allée faire une promenade avec la maîtresse, revêtue d'habits de jacinthe. Soudain, la maîtresse mit son doigt sur sa bouche. Elles s'arrêtèrent aussitôt à une place vide et contrefirent les jacinthes. Malheureusement, ce que la maîtresse avait entendu, c'était deux jardiniers qui venaient planter de nouvelles fleurs dans ce même carré. Ils traînaient une brouette remplie de fleurs et ils furent extrêmement surpris de voir la place prise. « C'est dommage d'enlever ces jacinthes, » dit l'un. « Ce sont les ordres du duc, » répondit l'autre. Ils enlevèrent l'école et, ayant vidé la brouette, ils y placèrent les malheureuses fées terrifiées sur 5 rangs. Naturellement, ni la maîtresse ni les enfants n'osèrent montrer qu'elles étaient des fées, de sorte qu'elles furent transportées très loin dans une serre dont elles s'échappèrent à la nuit en abandonnant leurs souliers. Mais cette équipée fit du bruit, leurs parents se plaignirent et l'école fut ruinée. Quant à leur maison, on ne les remarque pas, car elles sont exactement le contraire de nos maisons. On peut voir nos maisons le jour, mais on ne peut pas les voir la nuit. Eh bien, les leurs, au contraire, sont visibles la nuit et ne sont pas visibles le jour, car elles sont de la couleur de la nuit. Or, je n'ai jamais connu personne qui pût voir la nuit pendant le jour. Cela ne veut pas dire qu'elles sont noires, car la nuit a ses couleurs, tout comme le jour, mais point si brillantes. Leurs bleus, leurs rouges et leurs verts sont comme seraient les nôtres avec une lumière par derrière. Le palais est entièrement construit en verre multicolore et c'est bien la plus charmante de toutes les résidences royales. Mais la reine se plaint parfois de ce que le peuple peut voir ce qu'elle fait. Les gens du peuple, qui sont très curieux, se pressent tout contre les vitres et c'est pourquoi leur nez est plutôt camus. Les rues, qui ont des kilomètres de long, sont très sinueuses et coupées de chaque côté de sentiers faits de laine brillante. Comme les oiseaux ont l'habitude de la voler pour leur nid, un agent de police a été placé à chaque bout pour la garder. Une des grandes différences qu'il y a entre les fées et nous, c'est qu'elles ne font jamais rien d'utile. Quand le premier enfant éclata de rire pour la première fois, son rire se brisa en 1 million de morceaux qui sautèrent de tous côtés. Ce fut l'origine des fées. Elles paraissent terriblement affairées, en vérité, comme si elles n'avaient pas un instant à perdre. Mais si vous leur demandez ce qu'elles font, il leur est absolument impossible de vous le dire. Elles sont horriblement ignorantes et elles ne font rien que pour la forme. Elles ont un facteur, mais il ne vient jamais avec sa petite boîte, si ce n'est le jour de Noël, et bien qu'elles aient de belles écoles, on n'y enseigne rien dedans. Le plus jeune enfant étant le chef, il est toujours choisi comme maître, et quand il a fait l'appel, tous les élèves sortent pour se promener et ne reviennent plus. C'est un fait tout à fait digne de remarque que dans les familles de fées, c'est toujours le plus jeune qui est le chef de la famille et devient ordinairement prince ou princesse. Les enfants s'en souviennent et pensent qu'il en doit être de même chez les humains. C'est pourquoi ils sont souvent inquiets. Vous avez probablement remarqué que votre petite sœur veut faire toutes sortes de choses que votre mère et la bonne ne veulent pas qu'elle fasse, comme de rester debout quand il faut s'asseoir, et de s'asseoir quand il faut rester debout, ou d'être éveillé quand il faudrait dormir, ou encore de se traîner par terre quand elle porte ses plus beaux habits, etc. Peut-être mettez-vous ces actions sur le compte de la méchanceté. Il n'en est rien. Cela signifie simplement qu'elle fait ce qu'elle a vu faire aux fées. Elle commence par suivre leur exemple, et il faut à peu près 2 ans pour qu'elles prennent des habitudes humaines. Les accès de colère, si terribles à calmer, qui sont d'habitude mis sur le compte des dents, ont une toute autre cause. Ils expriment une exaspération bien naturelle qui vient de ce que nous ne la comprenons pas, bien qu'elle parle un langage intelligible. Elle parle le langage des fées. Et si les mères et les nourrices savent ce que ces réflexions signifient avant tout le monde, par exemple que « gauche » veut dire « donnez-le-moi tout à la fois » et « wa, pourquoi portez-vous un chapeau si ridicule ?» C'est que, comme elles vivent beaucoup avec les enfants, elles ont appris quelque chose du langage des fées. Dernièrement, David a rassemblé ses souvenirs sur la langue des fées, et en prenant son front à deux mains, il s'est rappelé un certain nombre de phrases que je vous redirai quelques jours si je ne les oublie pas. Il les avait entendues au temps où il était une grive, et bien que je lui ai objecté que c'était peut-être le langage des oiseaux qu'il se rappelait, il soutient que non, car ces phrases ont trait à des farces et à des aventures, et les oiseaux ne savent parler de rien que de la construction de leur nid. Il se rappelle précisément que les oiseaux allaient de place en place, comme les femmes vont de vitrine en vitrine, regardant les différents nids et disant « Ce n'est pas ma couleur, mon cher » ou « Comment voulez-vous faire avec enduit aussi peu solide ?» et « Est-ce qu'il tiendra ?» ou encore « Quelle affreuse garniture !» et ainsi de suite. Les fées sont des danseurs consommés. C'est pourquoi une des premières choses que font les bébés, c'est de vous faire signe de danser devant eux et de crier quand vous dansez. Elles donnent leur grand bal en plein air, dans ce qu'on appelle un cercle de fées. Pendant des semaines après le bal, on peut voir le cercle sur l'herbe. Le cercle n'existe pas au début, mais elles le forment en valsant en rond. Quelquefois, on trouve des champignons à l'intérieur du cercle. Ce sont des sièges de fées que les domestiques ont oublié d'enlever. Les chaises et les cercles sont les seules marques de leur passage que ces petites créatures laissent derrière elles, et elles ne les laisseraient même pas si elles n'aimaient tellement la danse qu'elles attendent pour la quitter jusqu'au dernier moment quand on ouvre les portes. David et moi, nous avons trouvé un cercle de fées encore chaud. Mais il y a encore un autre moyen de découvrir un bal avant qu'il ait eu lieu. Vous connaissez les tableaux qui indiquent l'heure de la fermeture des jardins. Eh bien, ces rusés de fées changent subrepticement l'indication du tableau quand il doit y avoir bal la nuit, de sorte qu'ils portent par exemple 6h30 pour la fermeture des jardins au lieu de 7h. Cela leur permet de commencer une demi-heure plus tôt. Si nous pouvions rester dans les jardins pendant une de ces nuits, comme fit la fameuse Mamie Manwaring, nous assisterions à de délicieux spectacles. Des centaines d'aimables fées qui se hâtent vers le bal, les mariés portant leur anneau de mariage en guise de ceinture, les messieurs tous en uniforme tenant la traîne des dames, des porte-flambeaux qui courent sur les devants en portant des cerises d'hiver, les lanternes de fées. Le vestiaire où elles déposent leurs manteaux d'argent et prennent un ticket en échange, les fleurs qui descendent en courant l'allée des bébés pour les regarder, et sont toujours les bienvenues parce qu'elles peuvent leur prêter des épingles. La table du souper présidée par la reine Mab, derrière la chaise de qui se tient le grand chambellan, qui porte un pissenlit sur lequel il souffle quand sa majesté veut savoir l'heure. La nappe varie suivant les saisons. En mai, elle se compose de bourgeons de châtaigniers. Voici comment procèdent les domestiques des fées. Une vingtaine d'entre elles, des hommes s'entend, grimpent sur les arbres et secouent les branches et les bourgeons tombent comme de la neige. Puis les femmes balaient sur les bords de façon à les réunir jusqu'à ce qu'ils forment exactement une nappe. Et voilà comment elles font une nappe. Elles ont de vrais verres et trois qualités de vrai vin, du vin d'épines noires, du vin d'épines vinettes et du vin de primevère. C'est la reine qui verse, mais les bouteilles sont si lourdes qu'elle peut à peine verser. Le repas commence par du pain et du beurre, et il y en a gros comme un morceau de 3 sous. Il y a des gâteaux pour finir, mais ils sont si petits qu'il ne reste jamais de miettes. Les fées sont assises en cercle sur des champignons. Elles commencent par avoir une tenue parfaite et elles se tiennent bien à table. Mais bientôt, elles ne se tiennent plus aussi bien. Elles mettent leurs doigts dans le beurre qui est extrait des racines de vieux arbres, et il y en a, les affreuses créatures, qui se traînent sur la nappe et font la chasse au sucre et aux autres friandises avec leur langue. Quand la reine s'en aperçoit, elle fait signe aux domestiques de desservir. Alors chacun se dispose à la danse. La reine prend la tête du cortège et le grand chambellan vient derrière elle, portant deux petits pots dont l'un contient du suc de giroflée jaune et l'autre celui du sceau de Salomon. Le suc de giroflée jaune est bon pour ranimer les danseurs qui tombent à terre dans leur ardeur et celui du sceau de Salomon est pour les contusions. Les danseurs se blessent très facilement et quand Peter joue de plus en plus vite, ils dansent jusqu'à ce qu'ils tombent victimes de leur ardeur. Car, vous le comprenez sans que je vous le dise, c'est Peter Pan qui constitue l'orchestre des fées. Il s'assied au milieu du cercle et les danseurs ne s'imaginent pas qu'ils pourraient avoir sans lui une danse convenable. Les initiales PP sont marquées au coin des cartes d'invitation qu'envoient les familles qui se respectent. Mais ce sont aussi des créatures reconnaissantes, puisqu'au bal de majorité de la princesse, la majorité se place au second anniversaire et elles ont un anniversaire tous les mois. Elles lui permirent de réaliser le souhait de son cœur. Voici comment elles s'y prirent. La reine le fit mettre à genoux, puis elle lui déclara qu'en récompense de son talent de musicien, elle réaliserait le souhait de son cœur. Alors les fées se rassemblèrent autour de Peter, désireuses d'apprendre en quoi consistait le souhait de son cœur. Mais il hésita longtemps, ne sachant pas lui-même exactement ce qu'il souhaitait. « Si je choisissais de retourner auprès de ma mère, demanda-t-il à la fin, pourriez-vous réaliser ce souhait ?» Cette demande ne laissa pas de les embarrasser, car s'il retournait auprès de sa mère, elle serait privée de sa musique. Aussi la reine baissa dédaigneusement le nez et dit « Peuh ! Formule un souhait qui soit plus important que celui-là. »« C'est donc un tout petit souhait ? » demanda-t-il. « Aussi petit que ceci, » répondit la reine en mettant ses deux mains l'une contre l'autre. « Quelle est la taille d'un gros souhait ? » demanda-t-il. Elle indiqua la mesure sur le pan de sa robe, et cela faisait une très jolie longueur. Alors Peter réfléchit et dit « Eh bien alors, « je crois que je formulerai deux petits souhaits au lieu d'un gros. » Naturellement, les fées ne pouvaient qu'accepter, quoique son attitude ne laissa pas de les choquer. Il déclara alors que son premier souhait était d'aller auprès de sa mère, mais avec le droit de retourner dans les jardins s'il ne trouvait pas un bon accueil auprès d'elle. Quant au second souhait, il désirait le réserver. Les fées essayèrent de le dissuader et elles lui firent toutes sortes d'objections. « Je peux te donner le pouvoir de voler à la maison maternelle, » dit la reine, « mais je ne peux pas ouvrir la porte pour toi. La fenêtre par où je me suis envolée sera ouverte, » dit Peter confidentiellement. « Ma mère la laisse toujours ouverte dans l'espoir que je reviendrai. »« Comment le sais-tu ? » demandèrent-elles tout à fait surprises. Et en fait, Peter ne pouvait expliquer comment il le savait. « Je le sais, » dit-il. Comme il persistait dans son désir, il ne leur restait plus qu'à le satisfaire. Voici comment elles lui donnèrent le pouvoir de voler. Elles le chatouillèrent toutes à l'épaule. Il y sentit aussitôt une démangeaison. Il s'éleva de plus en plus haut et s'envola hors des jardins par-dessus les toits des maisons. C'était si délicieux qu'au lieu de voler droit à sa maison, il se promena de Saint-Paul au palais de cristal et revint par le fleuve et Regent's Park. Si bien qu'au moment où il arriva à la fenêtre de sa mère, il avait arrêté dans son esprit que son second souhait serait de devenir un oiseau. La fenêtre était précisément ouverte comme il l'avait deviné. Il se glissa à l'intérieur et trouva sa mère endormie. Peter se posa doucement sur le bois au pied du lit et jeta un bon regard sur sa mère. Elle reposait la tête sur la main et le creux de l'oreiller était comme un nid couvert des flots de sa chevelure noire. Il se souvint, quoiqu'il l'eût oublié pendant longtemps, qu'elle mettait toujours ses cheveux en liberté pour la nuit. Comme l'étoffe de son vêtement de nuit était douce, il était très heureux d'avoir une mère aussi jolie. Mais elle paraissait triste, et il savait pourquoi elle paraissait triste. Un de ses bras remuait comme si elle voulait embrasser quelque chose, et il savait ce qu'elle voulait embrasser. « Oh, ma mère, se dit Peter, si vous saviez qui est justement assis au pied de votre lit. » Très gentiment, il toucha le petit rempart que faisaient les pieds de sa mère, et il put voir que cela lui était agréable. Il savait qu'il n'avait qu'à dire « mère » aussi doucement qu'il voudrait et qu'elle s'éveillerait. Une mère s'éveille toujours subitement si c'est vous qui dites son nom. Alors, quel cri joyeux elle pousserait, comme elle le serrerait tendrement dans ses bras. Quelle douceur ce serait pour lui, quel plaisir délicieux et exquis pour elle. Telles étaient, j'en ai peur, les pensées de Peter. En retournant auprès de sa mère, il ne douta pas un instant qu'il lui apportait le plus grand bonheur qu'une femme peut avoir. « Rien ne peut être plus beau, pensait-il, que d'avoir un petit garçon à soi. Quel orgueil pour une mère! Et d'ailleurs, c'est parfaitement juste et naturel. Mais pourquoi Peter reste-t-il si longtemps assis sur le bois du lit? Pourquoi ne dit-il pas à sa mère qu'il est revenu? Pour dire toute la vérité, il était partagé entre deux pensées. Par moments, il regardait longuement sa mère, et par moments, il regardait longuement la fenêtre. Sans doute, il lui serait agréable de redevenir son enfant, mais d'un autre côté, quel bon moment il avait passé dans les jardins. Était-il sûr d'avoir autant de joie quand il porterait de nouveau des habits? Il sauta du lit et ouvrit des tiroirs pour jeter un regard sur ses anciens vêtements. Ils étaient encore là, mais il n'arrivait pas à se rappeler comment on les mettait. Les chaussettes, par exemple, se portaient-elles aux mains ou aux pieds? Il était en train d'en essayer une à sa main quand il lui arriva une grande aventure. Peut-être le tiroir avait-il craqué. En tout cas, sa mère s'éveillait, car il l'entendit qui disait « Peter », comme si c'était le mot le plus joli de toute la langue. Il resta assis sur le plancher et retint son souffle, se demandant comment elle savait qu'il était revenu. Si elle disait « Peter » encore une fois, il était décidé à crier « Maman » et à courir à elle. Mais elle ne parla plus. Elle le fit seulement entendre quelques gémissements, et quand il s'approcha d'elle, elle était de nouveau endormie et des larmes coulaient sur sa figure. Cette vue rendit Peter très malheureux. Que pensez-vous qu'il fit aussitôt? S'asseyant au pied du lit, il se mit à jouer une belle berceuse à sa mère sur sa flûte. Il se surpassa lui-même en l'exécutant et il ne cessa pas de jouer jusqu'à ce qu'elle lui parût rassérénée. Il pensait avoir si bien joué qu'il put à peine s'empêcher d'éveiller sa mère pour l'entendre dire « Oh, Peter, comme tu joues délicieusement !» Cependant, comme elle lui semblait tranquille maintenant, il jeta de nouveau des regards sur la fenêtre. Il ne faut pas croire qu'il méditait de s'envoler pour ne plus revenir. Il avait définitivement décidé d'être le petit garçon de sa mère, mais il se demandait s'il devait commencer cette nuit. C'était le second souhait qui l'embarrassait. Il n'avait plus le désir d'être un oiseau, mais il lui semblait regrettable de ne pas formuler un second souhait, et naturellement, il ne pouvait le formuler sans revenir auprès des fées. De plus, s'il tardait trop à présenter sa demande, cela pourrait tourner mal. Il se demanda s'il n'avait pas été un mauvais cœur de s'envoler sans dire adieu à Salomon. « J'aimerais beaucoup naviguer dans mon bateau encore une fois, » dit-il pensivement à sa mère endormie. Il discutait avec elle absolument comme si elle eût pu l'entendre. « Ce serait si beau de raconter cette aventure aux oiseaux, » ajouta-t-il d'un ton câlin. « Je promets de revenir, » conclut-il enfin solennellement, et il le pensait comme il le disait. Et à la fin, il s'envola. Deux fois, il revint de la fenêtre, avec le désir d'embrasser sa mère, mais il craignait que la joie ne l'éveillât, de sorte qu'il finit par lui jouer un beau baiser sur sa flûte, puis il s'envola vers les jardins. Des nuits et même des mois passèrent avant qu'il demandât aux fées d'accomplir son second souhait. « Je ne suis pas tout à fait sûr de connaître toutes les raisons de ce retard. » D'abord, il avait une foule d'adieux à faire, non seulement à ses amis personnels, mais encore à mille lieux favoris. Puis, il avait à faire sa dernière promenade en bateau, et sa tout à fait dernière, et la dernière des dernières, etc. De plus, un grand nombre de repas d'adieux étaient donnés en son honneur. Enfin, une dernière raison qui était digne de considération, c'est qu'après tout, il n'était pas pressé, car sa mère ne se lasserait jamais de l'attendre. Cette dernière raison déplaisait au vieux Salomon, car c'était un encouragement pour les oiseaux à remettre au lendemain. Salomon possédait plusieurs proverbes excellents pour les animer à l'ouvrage. « Ne remettez jamais au lendemain, parce que vous pourriez encore remettre au lendemain. En ce monde, on n'a de la chance qu'une fois. » Et voici que Peter, par sa conduite, détruisait tout leur bon effet. Les oiseaux se le disaient entre eux et prenaient des habitudes de paresse. Cependant, croyez-le, encore que Peter ne s'empressât pas de retourner auprès de sa mère, il était tout à fait décidé à y retourner. La meilleure preuve en était sa prudence vis-à-vis des fées. Elle se demandait avec anxiété s'il resterait dans les jardins pour leur jouer de la musique, et pour éluder le souhait, elles essayaient de surprendre Peter en l'amenant à faire des remarques comme celle-ci. « Je souhaite que l'herbe ne soit pas aussi humide. » Il y en avait qui dansaient à contre-temps dans l'espoir qu'il s'écrierait « Je voudrais bien que vous dansiez en mesure. » Alors elle lui aurait dit que c'était son second souhait. Mais ils déjouaient leur ruse, et quoique plus d'une fois il eût commencé à dire « Je souhaite », il s'arrêtait toujours à temps. Aussi, quand à la fin, il leur dit bravement « Je veux maintenant revenir pour toujours auprès de ma mère », elles n'eurent qu'à chatouiller ses épaules et à le laisser partir. Il avait fini par être pressé, parce qu'il avait rêvé que sa mère pleurait. Et qu'il savait pourquoi elle pleurait, et qu'un baiser de son admirable Peter la ferait bientôt sourire. Oh, il en était sûr, et il était si pressé d'aller se nicher dans ses bras que, cette fois, il vola droit à la fenêtre qui était toujours ouverte pour lui. Mais la fenêtre était fermée, et il y avait des barres de fer, et en regardant à l'intérieur, il vit sa mère qui dormait paisiblement, en tenant dans ses bras un autre enfant. Peter appela sa maman. « Maman !» Mais elle ne l'entendit pas. En vain, il frappa de ses petits bras contre les barres de fer. Il dut s'envoler en sanglotant vers les jardins, et il ne revit plus jamais sa mère chérie. Quel glorieux enfant il avait l'intention d'être pour elle. « Ah, Peter, lorsque nous avons commis une grave faute, combien notre conduite serait différente une seconde fois si l'occasion se représentait. Mais Salomon avait raison, l'occasion ne se représente pas pour la plupart d'entre nous. Quand nous arrivons à la fenêtre, l'heure de la fermeture est sonnée. Les barres de fer sont mises pour la vie.